esconderé la llave donde nadie la pueda hallar. De mí ni que dipando shali, de mí ni que ditlaquit la olcat, ditlac mezquital, emotlatia y nejecat. Canción de las mujeres. donc on est dans la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Donc le CSPCL, vous pouvez trouver notre site cspcl.ouvinto.org ou bien nous rencontrer le mercredi à 20h30, donc au 33 rue des Vignoles, métro Avron. C'est une assemblée ouverte, donc vous pouvez venir pour y participer, pour poser des questions. Vous avez la possibilité de venir. Et le premier mercredi, on fait plutôt auberge espagnole. Donc, c'est bien de venir avec à boire et à manger si vous voulez partager ce premier mercredi du mois avec nous. Et là, aujourd'hui, si vous voulez bien nous écouter, on va lire une lettre qu'a donc écrite le sous-commandant Marcos, donc le sous-commandant de l'armée zapatiste de Libération nationale, et donc lié au mouvement zapatiste, évidemment. Et on a pris la dernière lettre. Il y a eu une série de 4 lettres. C'est la 4e, puisque Marcos écrit très souvent. C'est souvent pour ça qu'on le connaît, le reconnaît. Et donc, il y a eu un échange avec un écrivain philosophe du Mexique, ce qui leur permet, en fait, par ce biais, de pouvoir un peu communiquer sur ce que pensent les zapatistes, où ils en sont, leur vision sur un certain nombre de choses. Donc, la dernière, elle est très liée à la question du pouvoir et des élections, sachant que comme en France, il y a des élections en juillet 2012, juillet prochain. Donc voilà, je vous lis la lettre. Peut-être qu'on fera une coupure musicale si on sent que c'est un peu trop long, et sinon sur la lancée. Donc voilà, c'est la 4e lettre écrite à Don Luis Villoro dans l'échange sur éthique et politique, samedi 17 décembre 2011. Et donc, il commence par une citation. « Qui nomme, appelle, et quelqu'un arrive, sans rendez-vous, sans explication, au lieu où son nom dit ou pensé est en train de l'appeler. Et quand cela arrive, on a le droit de croire que personne ne s'en va, tout à fait, tant que ne meurt pas la parole qui appelle, flamboie et le ramène. » Donc, c'est une citation d'Eduardo Galeano, « Fenêtre sur la mémoire » dans « Paroles vagabondes ». Et donc, il écrit là, enfin, il s'adresse directement à Luis Villoro Toranzo, donc du sous-commandant insurgé Marcos. Don Luis, santé et salut. Avant tout, félicitations pour votre anniversaire le 3 septembre. Nous espérons qu'avec cette lettre, vous recevez aussi la collade affectueuse que même de loin nous vous donnons. Nous continuons donc cet échange d'idées et de réflexions, peut-être plus solitaire à présent à cause du tohu-bohu médiatique autour de la détermination des noms des 3 glandeurs qui auront à se disputer la mainmise sur les sols ensanglantés du Mexique. Avec la même frénésie qu'ils mettent à passer facture pour frais de promotion de l'image, les médias s'alignent de l'un ou de l'autre côté. Tous sont d'accord sur le fait que les bourdes exhibées impudemment par les aspirants respectifs ne peuvent être masquées qu'en faisant plus de bruit encore sur celles de l'adversaire. L'époque de la furie d'achat de fin d'année coïncide à présent avec la vente de propositions électorales. Bien sûr, comme la majorité des articles débités à cette période de l'année, sans aucune garantie, ni reprise, ni échangée. Après les obsèques de son maintenant ex-secrétaire de gouvernement, Felipe Calderón Hinojosa, le président, a couru heureux à la braderie de fin d'année pour démontrer que l'important, c'est de consommer. Ça ne fait rien que les secrétaires d'État soient périssables et avec une date de péremption imprévue. Même au milieu du bruit, il y a des sons qui battent pour qui sait chercher et dispose du culot et de la patience nécessaire pour le faire. Et dans ces lignes que je vous envoie à présent, Don Luis palpite des morts qui sont des vies. Premier chapitre, le pouvoir du pouvoir. La liberté d'élection te permet de choisir la sauce à laquelle tu seras mangé. Toujours une citation d'Eduardo Galeano. Puis une autre citation. Que les putes nous gouvernent, nous jugent et prennent soin de nous, puisque leurs fils n'ont pas su le faire. Ça a été repris du blog laputarealidad.org. Et donc, je dois avoir lu ou entendu cela quelque part. C'était quelque chose du genre, le pouvoir, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de mentir et d'être cru par beaucoup, tous, ou au moins tous ceux qui comptent. Mentir en grand et le faire impunément, c'est cela le pouvoir. Des mensonges géants qui incluent acolytes et paroissiens pour leur donner validité, certitude, statut. Des mensonges devenus campagne électorale, programme de gouvernement, projet alternatif de nation, plateforme de parti, articles de journaux et de revues, commentaires à la radio et la télévision, mots d'ordre, credo. Et le mensonge doit être si énorme qu'il ne soit pas statique, qu'il change, non pas pour devenir plus efficace, mais pour mettre à l'épreuve la loyauté de ses adeptes. Les maudits d'hier seront bénis. À peine quelques feuilles du calendrier plus loin. C'est le pouvoir ou sa proximité, le grand corrupteur. Y arrivent des hommes et des femmes avec de grands idéaux et c'est l'action perverse et pervertissante du pouvoir qui les oblige à les trahir jusqu'à faire le contraire, contradictoire. Continuons à poser des questions. Est-ce que le pouvoir qui corrompt ou faut-il être un grand corrompu pour accéder au pouvoir, pour s'y maintenir ou y aspirer ? Au cours de l'un des longs périples de la Otra Campaña, en passant par la capitale du Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, j'avais fait remarquer que le fauteuil gouvernemental chiapanec devait avoir quelque chose de spécial, qui transformait des personnes moyennement intelligentes en stupides gros propriétaires terriens prenant des poses de tyran. Julio qui conduisait, Roger qui était le copilote, et l'un d'eux a répliqué. Ou alors, ils étaient déjà comme ça, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés gouverneurs. Et l'autre a ajouté, je cite de mémoire, l'anecdote suivante. En passant devant le bâtiment où le congrès était en séance, une dame a entendu des cris. « Ignorant, imbécile, putain, voleur, criminel, assassin, fraudeur !» et autres épithètes plus rudes. La dame, horrifiée, s'adresse à un homme en train de lire un livre devant le bâtiment. « C'est un scandale, lui dit-elle. Nous les entretenons avec nos impôts et ces députés ne savent rien faire d'autre que s'insulter et se chamailler. » L'homme regarde la dame, puis l'enceinte législative, et revenant à son livre, il dit à la dame « Ils ne sont pas en train de se chamailler, ni de s'insulter, ils font l'appel. » Chapitre 2. Le pouvoir et la réflexion sur la résistance. Une citation de Thomas Segovia, 94. « La gauche est la voix des morts. » Le pouvoir, l'évidence incontestable, le rêve humide des intellectuels d'en haut, la raison d'être des partis politiques. Maintenant, avec la mort du maître Thomas Segovia, c'est lui que nous nommons, nous l'appelons et le ramenons à s'asseoir avec nous pour, ensemble, relire quelques-uns de ses textes. Pas ses poèmes, mais ses réflexions critiques sur le pouvoir et face à lui. Il y a peu, très peu d'intellectuels qui se sont efforcés de comprendre et non de juger ce parcours accidenté qui est le nôtre et que nous appelons zapatisme, ou néo-zapatisme pour certains. Dans cette liste rachitique apparaissent entre autres Don Pablo Gomez Casanova, Adolfo Gili, Thomas Segovia et vous, Don Luis. À eux tous, à vous, nous vous donnons une accolade comme seuls en donnent les morts, c'est-à-dire jusqu'à la vie. Et ceux qui se rappellent aujourd'hui Thomas Segovia seulement comme poète, le font pour scinder cet homme et le séparer de son être libertaire. Comme Don Thomas ne peut plus rien faire à présent pour se défendre et défendre sa parole totale, il pleut des hommages à la colle et aux ciseaux qui édite et monte les pièces aimables en laissant les dérangeantes pour l'oubli, jusqu'à ce que d'autres dérangeantes les appellent et les nomment. Et pour ne pas interpréter ces paroles, ce qui peut être compris comme une forme aimable d'usurpation, je vous transcris des parties de quelques écrits. En 1994, en pleine euphorie condamnatoire de la droite, cultivée, celle-là parce qu'il y avait à sa tête Octavio Paz, un de ses courtisans était le chef d'entreprise Enrique Cruz. Je vous passe les petites parenthèses, très pour ceux qui ne connaissent pas le Mexique compliqué. Et donc Thomas Segovia écrit ce qui suit. Chaque fois que prévaut une forme ou une autre de fascisme, la vérité et la justice prennent la forme de la résistance. Mais en plus, on peut dire que la gauche est par définition résistance. Sans doute, la gauche s'est précipitée en notre siècle dans une irrécupérable erreur historique. Mais cette erreur a consisté de toute évidence à croire que la gauche pouvait prendre le pouvoir. La gauche au pouvoir est une contradiction. L'histoire de ce siècle nous l'a assez montré. Aujourd'hui, il est clair, me semble-t-il, que la gauche n'est pas l'autre de la droite, située toutes les deux dans une relation opposée, mais symétrique par rapport au pouvoir. La gauche est avant tout l'autre du pouvoir, l'autre milieu et l'autre sens de la vie sociale, ce qui reste enseveli et oublié du pouvoir constitué, le retour du réprimé, la voie de la vie en commun étouffée par la vie communautaire, la voie des dépossédés plutôt que celle des pauvres, et celle des pauvres parce qu'ils sont majoritairement, mais pas exclusivement, des dépossédés. La gauche est la voie des morts. Une des idées qui nous ont fait le plus de mal a été celle de réactionnaires qui nous laissaient penser que la droite s'oppose au progrès, qu'elle est résistance et parle au nom du passé, des racines, de ce qui est dépassé. Ainsi, la gauche se persuadait que la résistance, c'est le pouvoir, dans la mesure où il continuait à être de droite et qu'il s'opposait au progressisme de la gauche dans une tentative désespérée de conserver ses privilèges et sa domination, sans voir que le pouvoir, aussi bien de droite que de gauche, n'est résistance que dans un sens différent et beaucoup plus simple, celui de résister à être remplacé par un autre pouvoir, aussi bien de gauche que de droite, que devant l'histoire, le pouvoir est toujours progressiste. Au Mexique, comme d'habitude, cela se voit avec une netteté particulière étant donné la crudité des rapports de pouvoir dans ce pays. Aujourd'hui, nous savons clairement qu'aucun gouvernement n'a été plus décidément et activement progressiste que celui de Porfirio Diaz, le dictateur d'avant la première révolution, et que de nos jours, le prix est celui qui monopolise et exploite toute la rhétorique du progrès, du changement, de la modernisation, du dépassement des nostalgiques et des émissaires du passé, et même de la démocratie. Et cela me fait penser au passage que la démocratie dans le pouvoir, ou du pouvoir, est aussi une contradiction. La démocratie n'est pas démoarchie. Le peuple au pouvoir est une utopie ou une métaphore très dangereuse à prendre littéralement, parce que le peuple, à supposer qu'il existe, ou même s'il n'existe que comme entéléchie, est par définition ce qui n'est pas au pouvoir, l'autre du pouvoir. Mais, adorable collègue, quand vous vous livrez au gouvernement en sachant pertinemment que ses promesses sont fausses, c'est vous qui êtes séduit ? Impossible. La séduction est désir à l'état pur, elle implique la vision fulgurante que ta jouissance est ma jouissance. Une vision dans laquelle la jouissance du pouvoir serait la jouissance du peuple est impossible. Et en 96, il signalait encore, parallèlement, dans un pays qui ne pratiquera plus la prohibition violente des expressions directes de la vie sociale primaire, l'idéologie du pouvoir nous fera du chantage en nous traitant de putains, c'est-à-dire subversifs, négatifs, rancuniers, arbitraires, où elle essaiera de nous persuader, comme les politologues et d'autres intellectuels essaient de persuader les apatistes, comme mes collègues, à commencer par Octavio Paz, essayent de me persuader que le vrai chemin pour nous exprimer et influer sur la vie sociale est d'entrer dans les institutions ou dans l'institué en général. Don Luis, je crois que vous serez d'accord avec moi sur le fait que pour répondre à ces textes provocateurs de Thomas Segovia, la réflexion sur éthique et politique doit aborder la question du pouvoir. Peut-être qu'à une autre occasion et en faisant appel à d'autres, nous pourrons échanger des idées et des sentiments. Les faits qui animent ces réflexions ne sont pas autre chose. Pour l'instant, voilà déjà cet appel à Thomas Segovia qui déclarait qu'il n'avait pas le temps de ne pas être libre et qui avouait sans gêne « J'ai gagné presque toute ma vie honnêtement, c'est-à-dire pas comme écrivain. » Pas seulement pour amener jusqu'ici sa parole irréductible, mais parce que ça vient à point ou à virgule, c'est selon. Et aussi et surtout parce que plus que le poète des deux rives, il est le penseur qui a ouvert une troisième porte vers le mouvement indigène zapatiste. En regardant, en voyant, en écoutant et en entendant, Don Thomas Segovia a franchi cette porte. C'est-à-dire qu'il a compris. On va peut-être faire une petite pause musicale et on abordera le troisième chapitre. Musique. Tus amigos, tenés un lugar donde no va a pasar nada. Con la mejor decoración bolchevique, con la música de Quilapayún, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Todo en una atmósfera pseudo progresista, bien alejada de cualquier indicio de sensualidad. Acá sí que no se coge. Un pub para que vos y tus amigos charlen toda la noche sobre marxismo. Acá sí que no se coge. Presenta el siguiente momento. recordad, este sábado, una opción lejos de cualquier posibilidad de sexo. Acá sí que no se coge. Un lugar bien bolche, lejos de cualquier tipo de placer. Este sábado charla debate sobre el destino del comunismo argentino a cargo de Patricio Echegaray. Y a las 2 de la mañana, magia y humor trotskista con Jorge Altamira. Acá sí que no se coge, presento este momento. Sí. 6.3 FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On était en train de lire une lettre, une des dernières lettres, qui a été écrite donc par les apatistes via la plume de Marcos, qui est dans un échange avec un intellectuel mexicain et qui fait référence à la question du pouvoir notamment. Et donc on en était au troisième paragraphe, troisième chapitre, le pouvoir et la pratique de la résistance. Commune autonome rebelles apatistes de San Andrés Sacamchén de los Pobres, Altos de Chiapas. Le matin du 26 septembre 2011, le commandant Moïsès est parti travailler vers sa plantation de caféiers. Comme tous les dirigeants de l'EZLN, il ne recevait pas le moindre salaire ni prébende. Comme tous les dirigeants de l'EZLN, il devait travailler pour faire vivre sa famille. Ses fils l'accompagnaient. Le véhicule dans lequel il voyageait est tombé dans un ravin. Tous ont été blessés, mais les lésions qu'a subies Moïsès ont été mortelles. Lorsqu'il est arrivé à la clinique d'Oventic, il était décédé. Dans l'après-midi, comme il est de coutume à San Cristobal de las Casas de cultiver les rumeurs, la mort de Moïsès a attiré des journalistes charognards qui ont cru que le mort était le lieutenant-colonel insurgé Moïsès. Quand ils ont su que ce n'était pas lui, mais un autre Moïsès, le commandant Moïsès, l'affaire a perdu pour eux tout intérêt. Pour aucun d'eux ne pouvait compter quelqu'un qui n'était pas apparu en public comme dirigeant. Quelqu'un qui était toujours resté dans l'ombre, quelqu'un qui apparemment n'était qu'un indien zapatiste de plus. Sur le calendrier, cela a dû se passer en 85-86. Moïsès a eu vent de l'EZLN et a décidé de se joindre à l'effort d'organisation quand sur les Altos de Chiapas, les zapatistes se comptaient sur les doigts des deux mains. Et encore, pas tous les doigts. Avec d'autres compañeros, parmi eux, Ramona, il a commencé à cheminer dans les montagnes du sud-est mexicain avec une idée d'organisation. De la brume surgissait sa petite silhouette vers les parages tzotzil de la zone Les Altos. Et sa parole reposait et grainait l'interminable cahier de doléances de ceux qui sont de la couleur de la terre. « Il faut lutter », concluait-il. Au petit matin du 1er janvier 1994, comme un combattant parmi les autres, il est descendu des montagnes vers la hautaine cité de San Cristobal de las Casas. Il a participé à la colonne qui a pris la mairie, obligeant à la reddition la force gouvernementale qui la gardait. Avec les autres membres tzotzil du CCRIC, il est apparu au balcon du bâtiment qui donne sur la place principale. Derrière, dans l'ombre, il a écouté la lecture qu'un de ses compañeros a faite de ce qu'on a appelé la déclaration de la jungle Lacandone, à une foule de métis incrédules ou sceptiques et d'indigènes pleins d'espoir. Avec sa troupe, il s'est replié vers les montagnes quand s'écoulaient les premières heures du 2 janvier 1994. Après avoir résisté aux bombardements et aux incursions des forces gouvernementales, il est redescendu à San Cristobal de las Casas en tant que membre de la délégation zapatiste qui a participé au dialogue dit de la cathédrale avec des représentants du gouvernement suprême. Il en est revenu et il a continué à sillonner les parages pour expliquer et surtout pour écouter. Le gouvernement n'a pas de parole, concluait-il. Avec des milliers d'indigènes, il a bâti la Aguascalientes à Oventic, alors que le ZDN subissait toujours la persécution de Cedillo. Il a été l'un de plus parmi les milliers d'indigènes zapatistes qui, de leurs mains nues, ont affronté la colonne des chars fédéraux qui voulaient prendre position à Oventic lors des jours funestes de 95. En 96, au dialogue de San Andrés, il veillait parmi d'autres à la sécurité de la délégation zapatiste, encerclée comme elle l'était par des centaines de militaires. Debout dans les petits matins gelés des Altos de Chiapas, il résistait à la pluie qui faisait fuir les soldats pour chercher toit et refuge. Il ne bougeait pas. Le pouvoir est traître, disait-il, comme pour s'excuser. En 1997, avec ses compañeros, il a organisé la colonne tzotzil qui a participé à ce qu'on a appelé la marche des 1111 et il a réuni des informations vitales pour éclaircir le massacre d'Acteal le 22 décembre de cette année-là, perpétré par des paramilitaires sous la direction du général de l'armée fédérale et Ernesto Cedillo Ponce de León, et Emiliano Choyafe et Julio César Ruiz Ferro pour auteurs intellectuels. En 1998, il a organisé et coordonné le soutien et la défense apportée depuis les Altos du Chiapas aux compañeros chassés par les attaques contre les communes autonomes lancées par El Croquetas, c'est-à-dire des personnes au pouvoir, Alborres Guilén et Francisco La Batista Ochoa. En 1999, il a participé à l'organisation et à la coordination de la délégation indigène Tzotzil Zapatiste qui a participé à la consultation nationale de 5 000 hommes et femmes qui ont couvert tous les États de la République mexicaine. En 2001, après la trahison par toute la classe politique mexicaine des accords de San Andrés, à ce moment-là, se sont alliés le PRI, le PAN et le PRD, les trois partis donc, au pouvoir, pour fermer la porte à la reconnaissance constitutionnelle des droits et de la culture des peuples originaires du Mexique. Il a continué à parcourir les parages tzotzil des Altos du Chiapas, parlant et écoutant. Mais alors, quand il avait fini d'écouter, il disait « Il faut résister ». Moïsès était né le 2 avril 56 à Oventic. Sans seulement l'avoir voulu et surtout sans en tirer le moindre bénéfice, il est devenu l'un des chefs indigènes les plus respectés dans le ZLN. À peine quelques jours avant sa mort, je l'ai vu lors d'une réunion du comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale, où a été analysée la situation locale, nationale et internationale, et où a été discuté et décidé le chemin à suivre. Nous avons expliqué qu'une nouvelle génération de zapatistes était en train d'arriver aux tâches de direction. Des jeunes, garçons et filles, nés après le soulèvement et formés dans la résistance, et qui ont été éduqués dans les écoles autonomes et sont à présent élus comme autorités autonomes et arrivent à être membres des conseils de bon gouvernement. On a discuté, on s'est mis d'accord sur comment les soutenir dans leurs tâches, les accompagner, comment construire le pont de l'histoire entre les vétérans zapatistes et eux, comment nos morts nous lèguent des engagements de la mémoire, le devoir de continuer, de ne pas flancher, de ne pas se vendre, de ne pas faillir, de ne pas se rendre. Il n'y avait pas de nostalgie chez aucun de mes chefs et chefs au féminin, ni la nostalgie des jours et des nuits où, en silence, ils ont forgé de ce qui serait mondialement connu comme armée zapatiste de libération nationale. Ni la nostalgie de moments où notre parole était écoulée en beaucoup de coins de la planète. Il n'y avait pas de rire, c'est certain. Il y avait des visages sérieux, soucieux de trouver ensemble le chemin commun. Il y avait en revanche ce que Don Tomás Segovia a appelé un jour « nostalgie du futur ». « Il faut raconter l'histoire », a dit le commandant Moïsès, en guise de conclusion à la fin de la réunion. Et le commandant est reparti vers son lopin au Ventique. Ce matin du 26 septembre 2011, il est parti de chez lui en disant « Je reviens tout à l'heure » et il s'en est allé vers son turbin pour obtenir de la terre, la nourriture et le lendemain. « Quand j'écris sur lui, j'ai mal aux mains, Don Luis. » Pas seulement parce que nous avons été ensemble au début du soulèvement et ensuite durant des jours lumineux et de froids petits matins. Aussi et surtout parce qu'en retraçant rapidement son histoire, je me rends compte que je suis en train de parler de l'histoire de n'importe lequel de mes chefs, de ce collectif d'ombre qui nous indique le cap, le chemin, le pas suivant, de ceux qui nous donnent identité et héritage. Peut-être qu'une fois encore, les rumorologues de San Cristobal et autres faunes ne sont pas intéressés par la mort du commandant Moïsès parce qu'il n'était qu'une ombre de plus parmi les milliers de zapatistes. Mais à nous, il nous laisse une dette immense, aussi immense que le sens des paroles par lesquelles, en souriant, il m'a dit au revoir à la fin de cette réunion. « La lutte n'est jamais finie », a-t-il dit en rassemblant son petit fourbi. « Une mort, une vie. » Dernier chapitre. « On pourrait lucubrer sur ce qui mène mes paroles à jeter ce pont compliqué et multiple entre Don Tomás Segovia et le commandant Moïsès, entre l'intellectuel critique et le haut dirigeant indigène zapatiste. On pourrait penser que c'est leur mort, le fait qu'en les nommant, nous les ramenons parmi nous, si égaux parce qu'ils étaient, qu'ils sont différents. Mais non, ce sont leurs vies qui viennent à point ou à virgule, c'est selon. Parce que leurs absences ne produisent pas en nous des hommages frivoles ou de stériles statues, parce qu'ils laissent en nous un à suivre, un reste dû, un héritage. Parce que face aux tentations, à la mode médiatique, électorale, politique, intellectuelle, il y a celui qui affirme qu'il ne se rend pas, qu'il ne se vend pas, qu'il ne faillit pas. Et il le fait avec un mot qu'on ne prononce avec authenticité que lorsqu'on le vit. Résistance. Là-bas, en haut, la mort s'exorcise par des hommages, parfois des monuments, des noms de rues, de musées ou de festivals, des prix par lesquels le pouvoir célèbre la capitulation, le nom en lettres dorées sur un quelconque mur promis à la démolition. C'est ainsi qu'ils affirment la mort. Hommage, mot ému, page tournée, et voyons la suite. Mais Eduardo Galeano dit que personne ne s'en va tout à fait tant qu'il reste quelqu'un pour le ou la nommer. Et le vieil Antonio disait que la vie était un puzzle long et compliqué qu'on ne pouvait monter que lorsque les héritiers nommaient le défunt. Et Elias Contreras dit que la mort a besoin d'avoir sa taille réelle et qu'elle n'y parvient que lorsqu'on la met à côté d'une vie. Et il ajoute qu'il faut se rappeler quand s'en va un morceau du cœur collectif que nous sommes, que cette mort a été et est une vie. Voilà, en nommant Moïsès et Don Thomas, nous les ramenons, nous montons le puzzle de leur vie de lutte et nous réaffirmons qu'ici, en bas, une mort est surtout une vie. À plus tard. Voilà, toujours la résistance depuis les sud-est mexicains. Je vous laisse une petite pause musicale et je vous reprends dans quelques instants pour quelques infos avant de recevoir l'appel de Manuel. À tout de suite. Jukar mamaram benita makuri shakar pap hangash kurintashdi yamin kuchar parapi kucharirepech kucharecheri fuera shati fue caparin escuchar era tinta kanotarus wandi kujawat wandañatech pikuarin ikuach charara shati yamin kukurich wenga shati kakuchain de ambe no pikuarinash no tarera tintash. Se fueron los malos tiempos violentos a los cuatro elementos por los cuatro vientos tiempos de justicia y dignidad Dios ilumina a mi gente en Cherán nuevas generaciones han llegado para curarla niños, niñas, abuelitos vamos a cuidarla intereses monetarios que mataban a la tierra movimiento pacifista no queremos aquí guerra si te arrancan un árbol yo voy a sembrar diez si te tiran mala vibra yo la vuelvo al revés transnacionales, internacionales se van de mi país edad dorada ilumina ahora mi raíz atmósfera mágica huele a verde anís levantando ya la milpa hoy cosecho mi maíz han matado a mi padre, han matado a mi brother han asesinado a todos los pinos estamos unidos esquina en esquina es a fuego vecino a vecino Cherán, tierra de chamán tierra ancestral sagrada Cherán No puede pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo. Y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza. La de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo. Se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo. La esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma de mi alma tierra. Del bosque, alma de mi gente, alma de mi alma gente. De tierra, corazón puré pecha. El corazón de la tierra se escuchó el llamado de Chera, defendiendo el bosque, luchando por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Chera. Jujuchas es páspera, era tintan, yamin torecha, casandar cheran geranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswinga pintan, jimbokta kericha, iznarista cheshan, cayis, wingapit, torecha, no anda chero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas. Celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Jungle des luttes FPP, on est ensemble encore quelques instants avant de recevoir l'appel de Manuel, qui donc lui, je vous le rappelle, fait partie du mouvement pour la paix de Paris, qui lui est en lien avec le mouvement pour la paix avec justice et dignité au Mexique. Il nous en parlera mieux. J'espère que vous avez réussi à écouter cette lettre et à comprendre les messages. J'avais envie de dire en tous les cas que ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire en parlant des apatistes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà 17 ans de lutte, sachant qu'avant, ils étaient déjà entrés en clandestinité et organisés, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des nouvelles générations. On a eu l'occasion, pour ceux qui y sont allés, de voir que réellement et véritablement, c'est des nouvelles générations, des nouvelles personnes, des gens qui ont grandi dans la résistance et qu'effectivement, du coup, il y a une histoire peut-être à transmettre. Et dans l'organisation, tout un tas de travail, des réunions, un travail concret, la vie quotidienne, il n'y a peut-être plus autant d'espace pour pouvoir raconter, transmettre l'histoire des ancêtres, etc. Les soirées au coin du feu, elles sont souvent rares puisque les gens sont quand même très pris par le travail d'organisation. Et donc, du coup, il y a peut-être ce travail de transmettre l'histoire qui s'impose aux apatistes et... Et donc voilà, dans l'espoir aussi qu'eux puissent garder l'âme et l'esprit de justement tous ceux qui ont lutté, qui leur offrent cet espace de résistance, d'autonomie. Et donc ce qui est un espace dont plusieurs peuvent revendiquer que ça a quand même été un exemple, non pas à suivre, mais du coup duquel il fallait pouvoir s'inspirer, ce que beaucoup de gens au Mexique ont fait. Il y a des prisonniers politiques qui ont été en grève de la faim et qui sont en prison déjà depuis plusieurs années pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Et ils ont écrit quelque chose dernièrement en rappelant ça, justement, que la question de la résistance, de s'ouvrir, de s'éduquer, d'apprendre pour pouvoir avancer toujours vers les chemins qu'on veut soi-même se frayer. Donc voilà, je nous propose de nous frayer des chemins de lutte pour cette année ensemble. Donc n'hésitez pas, pour des gens qui ont envie de parler de leur lutte et qui n'ont pas d'espace pour en parler à la radio, vous pouvez aussi venir nous rencontrer le mercredi à 20h30 pour nous dire que vous aimeriez parler de votre lutte locale ou pas. On peut déjà se rencontrer, évidemment. Et en tous les cas, cet espace, la jungle des luttes, ce programme est ouvert aux luttes, plutôt en bas à gauche, comme on dit auprès des apatistes, c'est-à-dire en bas du côté des gens et pas du pouvoir, et à gauche plutôt anticapitaliste. C'est un peu pour faire court. ça réduit un petit peu l'idée de la lutte, mais en tous les cas, c'est dans ces termes qu'on peut le résumer. On va écouter un petit morceau de musique. Vous avez remarqué que de temps en temps, ce n'est pas en espagnol, donc c'est des langues indigènes, donc des morceaux plutôt qu'on pourrait dire musique traditionnelle avec une inspiration indigène. Du coup, vous l'avez peut-être remarqué, je vous le signale. En tous les cas, à tout à l'heure. Oye, ponte atento. Guacha, brother. Rhythm, silent. Yeah, yes, escucha, pues escucha, mamona. Llegaste al poder contratando mercenarios, haciendo de todo esto una burla y engaño. Sembraste las ciudades con mensajes de odio, sembrando siempre miedo con spots en la radio. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados y senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Democracia fecal, huele muy mal. Esos 20 fascistas te quieren aplastar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Esos 20 fascistas te quieren atrapar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Digo, y escucha, ponte atento, brother. Si no, sí. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados y senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Cada seis años te vienen a contar que todo va a ser mejor, que todo va a cambiar, que tiene la mano limpia, que todo es alegría. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Democracia fecal, huele muy mal. Esos pinches racistas te quieren aplastar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Esos pinches racistas te quieren aplastar. Democracia fecal, huele muy mal. ¿Y sabes qué? No los vamos a dejar. Todo lo que pido, verdadera democracia, democracia, democracia. Todo lo que quiero, verdadera democracia, democracia, democracia. Todo lo que pido, verdadera democracia, democracia, democracia. Again. 106.3 FPP, vous êtes dans la jungle des luttes, on est encore ensemble pour un petit peu moins d'une demi-heure. Il y a Manuel qui nous a appelé, donc on va lui laisser la parole et Magali va pouvoir discuter avec lui pour lui poser des questions. Et bonsoir Manuel. Manuel, bonsoir. Manuel n'est pas là, ça marche peut-être pas. Tu nous entends ou pas? Bon, ben nous on l'entend pas en tous les cas. Ouais, nous on l'entend pas. Et... Ben je vous rappelle, on va refaire. Attends. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission que mardi prochain, le 24 janvier, on va avoir un repas de solidarité avec l'armée zapatiste de Libération Nationale. Donc, exceptionnellement, d'habitude, c'est plutôt avec les communautés de base, comme on appelle les communautés zapatistes. Et donc là, on a décidé de se solidariser avec l'armée, puisqu'ils ont une connexion économique. Enfin, ils sont déconnectés économiquement. Donc, c'était important de pouvoir faire peut-être une petite discussion autour de ça quand vous viendrez. Et en tous les cas, voilà, repas de solidarité mardi. Je ne sais pas si ça ne marche pas, on fait peut-être une pause musicale. Hein. Si ça ne marche pas, on voit et on essaye de reprendre l'appel. À tout de suite, on va essayer de se mettre au point au niveau de la technique. Salga con tus amigos, tenés un lugar donde no va a pasar nada. Con la mejor decoración bolchevique, con la música de Kila Payún, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Todo en una atmósfera pseudo progresista, bien alejada de cualquier indicio de sensualidad. Acá sí que no se coge. Un pub para que vos y tus amigos charlen toda la noche sobre marxismo. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire. Con gas de que los maestros se quitaron se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? Bon, bon, on va être avec Manuel, qu'il doit être là. Bonsoir Manuel, tu nous entends? Oui, très bien, bonsoir. D'accord, bon, merci d'abord pour avoir accepté de nous appeler. Non, merci pour l'invitation. Et bon, donc on voulait commencer à parler un peu du mouvement pour la paix avec justice et dignité. On a déjà parlé un peu les émissions précédentes. Mais ça serait bien si tu pouvais nous rappeler un peu les contextes, un peu les contextes et l'origine de ce mouvement au Mexique. Oui. Et bah, en quelques mots, faire un peu le résumé, expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Bon, je vais essayer. En tout cas, ce mouvement a commencé suite au meurtre de 6 jeunes à l'état de Morelos, au Mexique, dont le fils du poète Javier Cecilia, un des leaders de ce mouvement, et une des têtes les plus visibles du mouvement. Alors Juan Francisco Cecilia, son fils, a été assassiné avec 5 autres jeunes autour du début du mois de mars de l'année dernière, au 8 mars, il me semble. Ça va faire un an de ces événements. Et très tôt, Javier Cecilia, dès son retour, parce qu'il était en plus à l'étranger, il est rentré au Mexique des Philippines, et dans l'avion déjà il a commencé à faire des déclarations très très fortes contre le climat de violence qui régnait au Mexique, et il a appelé la société mexicaine à un sursaut citoyen pour arrêter la guerre et la violence au Mexique. Et surtout mettre fin à les stratégies entre guillemets de guerre du président Felipe Calderón. Mm-hmm. Il a appelé les gens d'abord de son état de Morelos, à la ville de Cuernavaca, à se rassembler devant le palais du gouvernement. Et suite à ce rassemblement, Il a commencé à lancer un certain nombre de critiques très très fortes, mais très justes, contre l'état des choses. Et puis ensuite, il a appelé l'ensemble de la société mexicaine à mettre fin à la situation qui avait provoqué non seulement la mort de son fils, évidemment, mais la mort jusqu'à ce jour de plus de 50 000 personnes au Mexique. Donc c'est vraiment un chiffre hallucinant de meurtres qui ont lieu au Mexique depuis les 5 dernières années, c'est-à-dire depuis la prise au pouvoir de cette administration de Felipe Calderón. Et puis le mouvement, c'est développée. Ils ont appelé à une manifestation, enfin une marche plutôt, de la ville de Cuernavaca jusqu'à la ville de Mexico. Et ils ont rempli le Zócalo, c'est-à-dire la place centrale de Mexico. Et après, ils ont fait des marches ou caravanes qui sont allées jusqu'à la frontière nord et la frontière sud du Mexique. C'est-à-dire qu'ils ont parcouru le pays de long en large pour rencontrer toutes les victimes de ces années de guerre et de massacres qui se sont succédés pour la population civile au Mexique. Oui, donc le caravan, c'était un peu ça, c'était donner les voix aux toutes les victimes, non, qui n'avaient pas de réponse, qui étaient un peu dans l'impunité aussi, un peu dans ce contexte qui se vit dans tout le Mexique. Oui. Et en même temps, pendant que ce mouvement s'est originé au Mexique, il y a eu des réponses aussi dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cet objectif, qui était un des objectifs principaux du mouvement de Sicilia, qui était de visibiliser, de rendre une voix à toutes ces victimes de la guerre qui auparavant ne l'avaient pas eue, c'est amplifié même au-delà des frontières mexicaines, parce que dans les pays surtout d'Europe, mais aussi de pays comme le Japon ou de l'Amérique du Sud, il y a eu un écho à cet appel de Javier Sicilia et des autres leaders, parce qu'il faut toujours rappeler que Javier Sicilia n'est pas le leader ni le seul dirigeant de ce mouvement. Il est un dirigeant très important, mais il y en a d'autres. Et cet appel a été entendu par plusieurs Mexicains, surtout à l'étranger, et aussi par des étrangers qui sont très attachés au Mexique. Donc, disons que actuellement, il existe plus d'une vingtaine de groupes dans plusieurs pays du monde qui se sont fédérés dans un réseau pour la paix au Mexique, qui compte pas mal de gens, qui organisent des actions dans leur ville, surtout, comme je le disais, en Europe, mais aussi dans d'autres pays, pour faire entendre ce message, mm-hmm. et surtout diffuser la situation vraiment catastrophique qui règne au Mexique. Oui, parce que souvent on n'entend pas à l'étranger cette réalité qui se vit au Mexique. On n'entend pas et avec la force, non, que par exemple ce mouvement est... Oui, les chiffres ou les témoignages qu'on entend de gens qui de victimes. Oui. On ne les entend pas souvent à l'étranger, donc c'est un peu ça aussi, non, que les Mexicains qui sont à l'étranger veulent transmettre, je pense. Non? Oui, oui, tout à fait, parce que c'est complètement hallucinant qu'après 50 000 morts, c'est-à-dire beaucoup plus de morts que dans des pays comme l'Irak ou l'Afghanistan, qui ont traversé des guerres qui ont été très médiatisées. On parle aussi peu de la situation au Mexique, alors qu'il y en a eu plus de morts en moins de temps. Et par exemple, bien sûr, les contextes sont très différents, mais en Syrie, il y a eu pendant cette année 3000 morts. Et au Mexique, dans les 12 derniers mois, il y en a eu presque 12 000 morts, quatre fois ce chiffre-là. Et on n'en parle pas assez, on n'explique pas assez ce qui est en train d'arriver au Mexique. Et surtout, il n'y a pas une réaction de la communauté internationale qui corresponde à ce drame. Parce qu'on crois que les Nations Unies n'interviennent pas, ne serait-ce qu'en déclarant le Mexique comme un pays en état de guerre, ce qui est pratiquement le cas et ce qui est la réalité pour des millions de Mexicains qui doivent se confronter tous les jours à la violence des groupes criminels, mais aussi de la police, de l'armée, de la marine, qui parfois bafouent les droits de l'homme et qui actuellement on expérimente, surtout depuis le mois de décembre, une très grande violence et des disparitions forcées contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est un phénomène qui s'est aggravé surtout dans les derniers mois. Et on n'en parle pas assez à l'étranger. Donc c'est un des objectifs de ce réseau à l'étranger, dont fait partie un groupe spécifiquement ici, à Paris, qui s'appelle Citoyens pour la paix au Mexique, qui a été formé dans les premiers mois, les premières semaines juste après l'assassinat du fils de Javier Cecilia. Donc. Oui, et tu peux nous raconter aussi un peu les actions qui ont fait le groupe de citoyens pour la paix au Mexique ici à Paris. Qu'est-ce qui ça a pu arriver? Quelles actions ont lieu depuis que ça a commencé? Oui, alors le groupe à Paris a manifesté plusieurs fois déjà avec des actions très différentes. La plupart du temps, les manifestations ou les rassemblements ont lieu à la place du Trocadéro. Alors, il y en a eu des actions qu'on appelle poétiques au sein du groupe qui visent surtout à envoyer un message de solidarité au Mexique, c'est-à-dire à nos concitoyens au Mexique, mais aussi quelque part produire ou générer des symboles ou des messages forts qui puissent être entendus, qui puissent être repris surtout par la presse au Mexique. Donc ça a été le cas pour des actions telles qu'une action appelée enveloppe vide ou sobre vacío, où on a demandé aux gens de participer en envoyant des enveloppes vides avec juste le nom d'une des victimes de la guerre de Felipe Calderón à la place de l'expéditeur de chaque enveloppe. Cette action a été particulièrement suivie, puisque presque un millier d'enveloppes ont été rassemblées et ont été envoyées après une marche depuis Trocadéro jusqu'à la poste du Louvre, jusqu'au Mexique. Puis après, il y a eu une autre action dans laquelle on a invité les gens à s'exprimer lors d'une sorte d'assemblée à la place du Trocadéro. On est allé aussi parfois à l'ambassade du Mexique pour exprimer notre mécontentement contre la politique actuelle, etc. Donc l'idée, c'est de rendre visible la situation dramatique que vit le Mexique en France, pour essayer d'attirer l'attention des médias pour éventuellement ce qui a été souvent le cas quand on fait des manifestations, que ces actions aient une répercussion au Mexique. Et déjà, on le sait parce qu'on a une relation directe avec les gens du mouvement pour la paix au Mexique, que c'est très important pour eux dès qu'ils entendent qu'ils sont soutenus par des citoyens qui sont soucieux et solidaires avec leur cause. Parce que les deux dernières actions aussi ont été plutôt de fêtes, on peut dire, de fêtes traditionnelles, où il y a eu des moments aussi de projections de vidéos, par exemple, non? Tout à fait. Pour faire connaître aussi à travers les témoignages filmés, mm-hmm. et la problématique. Et Et bon, oui. C'est comme tu as dit, ce sont des actions qui correspondent aussi un peu à ce qui se passe là-bas, mais oui. Aussi pour diffuser et pour faire connaître. Tout à fait. Ces deux dernières actions ont eu lieu pendant le jour de mort. On a fait carrément un festival qui a duré 3 jours où on a projeté plusieurs vidéos qui ont été, pour certains, éditées par un collectif au Mexique qui s'appelle Emergencia MX et d'autres par d'autres personnes mais qui sont avec un rapport très étroit avec le mouvement. Et on a pu aller plus loin dans le partage d'informations avec ces vidéos. Et on a engagé une discussion très, très productive avec les amis français qui sont venus nous voir. Et surtout, on a réussi à avoir une collecte d'argent quand même considérable qu'on a pu envoyer au Mexique pour aider le mouvement. Et aussi la communauté de Cheran au Michoacán qui cherche aussi à réinventer la démocratie locale sur place. Donc voilà, on a apporté ce petit grain de sable à la cause avec ces actions. Et on en est très fiers. Oui, bon, merci beaucoup Manuel pour cette petite interview. Et avant, pour finir, est-ce que tu peux nous donner un site web ou un lien où les gens puissent oui. Connaître toutes les activités de ce groupe de Mexicains? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez chercher Ciudadanos por la Paz en México, Grupo París. On a une page sur Facebook. Et aussi, on a un blog, vous pouvez taper http://ciudadanosxlapaz, donc Ciudadanos por la Paz, juste un x.wordpress.com. Ça, c'est le blog où vous allez avoir toutes les informations du groupe et en plus des ressources sur toutes les actions qu'on a développées jusqu'à maintenant. Et pour écrire au groupe, vous pouvez le faire au mail ciudadanosxlapaz, tout attaché, paris@gmail.com. C'est le mail. Parfait. Bah, encore merci beaucoup, Manuel. Non, merci à toi, Magali. On doit te laisser, on va finir le programme. Bien sûr. Au revoir. Au revoir, au revoir. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Voilà, on termine notre programme normalement comme d'habitude avec un petit générique de fin qui est l'hymne zapatiste. On vous rappelle donc la rôtisserie mardi prochain en solidarité avec le ZLN. On vous rappelle également que vous pouvez entrer en contact avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc tous les mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles. C'est dans le 20e, en métro Avron. Donc voilà, c'est une assemblée ouverte. Vous pouvez venir pour avoir des informations, des renseignements. Pour ceux qui voudraient réécouter l'émission ou reprendre des informations, on devrait normalement mettre l'émission de radio sur notre site, ce qu'on ne fait pas toujours régulièrement. Mais en tous les cas, ça finit toujours par arriver. Et donc, le site, c'est cspcl.ouvaton.org. Et donc, il y a plusieurs rubriques. Et vous pouvez trouver radio, enfin, émission de radio. Donc, on vous remercie de nous écouter tous les mois et d'écouter FPP en général. On vous propose aussi de prendre... vous avez toutes les informations sur le site pour les rendez-vous. Et également, si vous voulez acheter du café ou de l'artisanat zapatiste, vous avez toujours la possibilité de retrouver le lien avec Échange Solidaire, qui est l'association qui a été créée pour pouvoir distribuer le café sur la région parisienne notamment, mais pas seulement. Et donc pour ceux qui voudraient souscrire, c'est-à-dire acheter le café en avance pour l'année prochaine, sachant que c'est comme ça qu'on fonctionne puisqu'on n'est pas une boutique, il nous faut des fonds pour acheter le café, donc on fait de la prévente. Il est encore possible d'acheter, donc vous envoyez à Échange Solidaire au pluriel, 21 Terre rue Voltaire 75 011, un papier pour avoir des informations, ou sinon sur le site vous avez la possibilité de trouver un bon de commande que vous pouvez nous renvoyer. Voilà, merci à vous de nous écouter, la Lucha Sigue. Et ben voilà, merci à Magali pour la technique et à Manuel de nous avoir pris au téléphone. À tout bientôt tout le monde, ciao. We'll be right back.